السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين، أما بعد. Nous allons finir inshallah ta'ala chapitre numéro 10 باب لا يذبح لله بما كان يذبح فيه لغير الله. Nous restons le hadith, c'est bien ça? قال المؤلف رحمه الله تعالى عن ثابت بن ضحاك رضي الله عنه قال نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا لا. قال فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوف بنذرك فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. رواه أبو داود وإسناده على شرطهما. ثابت بن ضحاك رضي الله عنه dit un homme avait fait le vœu de sacrifier un chameau à un endroit nommé Bouana. Il questionna le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire quant à la mise en pratique de ce nadr, qui lui dit, est-ce qu'il y avait dans cet endroit une idole adorée dans la période d'avant l'islam, le jahiliya? On lui répondit, non. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam continua, est-ce qu'il y avait une fête parmi leurs fêtes? La réponse fut la même. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit alors, remplis ton vœu, car on ne doit pas accomplir un vœu pour désobéir à Allah ou concernant des biens que l'on ne possède pas. ثابت ابن ضحاك رضي الله عنه ومن الأنصار خزرجي. Il est décédé en l'an 64 après les jours du prophète صلى الله عليه وسلم. قال نذر رجل. النذر كما سيأتي في الباب الذي يلي إن شاء الله تعالى هو لغتنا الإيجاب الإلزام، وفي استلاء في الشرع هو إلزام المكلف نفسه بعبادة أو بقربة لم تكن واجبة في أصل الشرع. النذر c'est le fait que la personne responsable s'impose le fait d'accomplir une adoration pour Allah subhanahu wa ta'ala qui n'était pas obligatoire à la base. Et c'est le chapitre qu'on étudiera prochainement, inshallah ta'ala. Nadhara rajulun an yanhara ibilan libwana. Fa sa'ala an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam. Donc cet homme est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour le questionner au sujet de ce vœu qu'il avait fait avant l'islam. Faqala an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam. هل كان وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avant de lui répondre, lui a posé deux questions. La première question, est-ce qu'il y avait une chose parmi les choses adorées par les périodes de la, par les gens de la période anti-islamique? Cet endroit, Bouana, dans lequel tu veux mettre en pratique, accomplir le vœu que tu as fait, est-ce que dans cet endroit il y avait une chose adorée parmi ce qu'adoraient les gens de la période anti-islamique? Alors l'homme a répondu non. Et al-jahiliya nisbatan ila makana qabla ar-risal. Lorsqu'on dit al-jahiliya, ça fait référence à la période anti-islamique avant l'envoi du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wa summiyat kadhalik ila annahum kanu ala jahlin azim. On a appelé cette période anti-islamique Jahiliyyah. Et on voit dedans le mot ignorance, car ils étaient dans une grande ignorance. La réponse, qalu la. On voit que c'est au pluriel. Ils ont dit non. Alors que celui qui a posé la question, c'est une personne. Donc ils étaient en groupe. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a posé la question, ils ont tous répondu. La deuxième question, فَهَلْ كَانَ فِيهَا عِيدٌ مِنْ أَعْيَادِهِمْ. Est-ce qu'il y avait une fête parmi leurs fêtes, c'est-à-dire les fêtes des associateurs, et quant au moment, la période anti-islamique. هَلْ يَعْتَادَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ أَنْ يَأْتُوا إِلَى هَذَا الْمَكَانِ. Est-ce que les gens de la période anti-islamique avaient pour habitude de venir dans cet endroit, y accomplir leurs fêtes? والعيد اسم لما يعود ويتكرر. العيد, c'est l'appellation qu'on donne à toute chose qui se répète, que ce soit dans le temps ou que ce soit dans l'endroit. Par exemple, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a invoqué Allah en disant Allahumma la taj'al qabri amadha eidan. Ou ça c'est l'autre hadith, wathanan yu'bad. Il a dit aux compagnons, « La taj'alu qabri eidan. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit aux compagnons, « Ne faites pas de ma tombe un endroit où vous revenez régulièrement. » Ne faites pas de ma tombe un endroit où vous revenez régulièrement. Rawahu Abu Daoud. « Et la taj'alu hadha al-makan, makanan ta'tadun al-maji fi aw ilay. » Et c'est connu que dans les fête des associateurs, leur ayat, ils donnent l'adoration à autre qu'Allah Azza wa Jal, ils égorgent pour autre qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala, et vous toutes sortes d'adoration à autre qu'Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faqala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Donc la réponse fut négative. Lorsqu'ils ont répondu à ces deux questions, de manière négative donc, à ce moment-là seulement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit « Aufi bi nadhrik, fa innahu la wafa'a li nadhrin fi ma'asiyatillah. » Remplis ton vœu, car on ne doit pas accomplir un vœu lorsqu'il y a dans cela une désobéissance à Allah. Fadalla hadha ala anna al-dhabha bima kan yudhbahu fi li ghayri Allah aw ittakhadhahu an-nas 'eedan min a'yad al-jahiliyyah ma'siyah wa huwa mahall ash-shahid min al-hadith. On tire de cela que d'accomplir le vœu ou plutôt d'égorger une bête dans un endroit où les personnes de la période anti-islamique égorgées pour autre qu'Allah Azza wa Jal ou faisaient leur fête n'est pas permis dans l'islam. Et on voit ici que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, après avoir dit Aufi bi nadhrik fa innahu la wafa li nadhrin ma'siyatillah. Qala ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala fi al-iqtida, kullu amrin aw nahyin, hadhihi qa'ida, kullu amrin aw nahyin يعقبه فا فما بعد ذلك علة للأمر أو للنهي. ابن تيمية رحمه الله تعالى nous dit, tout ordre ou interdit qui vient après ou bien qui est suivi du fa, en français on pourrait traduire par alors, ben ce qui sera cité sera la cause de l'ordre ou bien de l'interdit. Ce qui sera cité sera la cause de l'ordre ou de l'interdit. Je répète, kullu amrin aw nahyin ya'qubuhu fa fama ba'da dhalik 'illatun lil amr aw in nahy. Ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a posé deux questions. La réponse fut négative. Il lui a dit alors accomplis ton vœu. On comprend quoi? On comprend que il peut accomplir ce vœu, car ce qu'il y a avant n'a pas été effectif. Mais dans le cas contraire, si on avait égorgé pour autre qu'Allah Azza wa Jalla dans cet endroit où ça avait été pris comme lieu de fête et de réunion par les personnes de la période islamique, alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait interdit. Qu'est-ce qu'on comprend de cela? Nous n'avons pas le droit d'égorger une bête pour Allah Azza wa Jalla dans un endroit qui a été pris pour égorger pour autre qu'Allah tabaraka wa ta'ala, ou dans un endroit où les polythéistes font des fêtes et des rassemblements. Naam. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: wala fi ma la yamliku ibn Adam. Ou concernant des biens que l'on ne possède pas. Lorsque l'auteur ici a dit: wa isnadu ala shartihima, ay al-Bukhari sahih wa Muslim fi sahih. Donc la chaîne de transmission est conforme à leurs conditions, c'est-à-dire l'imam al-Bukhari dans Sahih al-Bukhari et l'imam Muslim dans Sahih Muslim. Ittisal al-sanad bil 'udul al-dabitin min ghayri shuzudin wala 'illah. مناسبة الحديث للباب في المنع من الذبح لله في مكان أو بمكان يعبد فيه غير الله أو فيه عيد للمشركين ولو بعد زواله de ce hadith, ou bien l'auteur a cité ce hadith car on y voit l'interdiction d'égorger une bête pour Allah dans un endroit où on égorge pour autre que lui. De même qu'il y a l'interdiction d'égorger dans un endroit, donc une bête pour Allah, dans un endroit où les gens faisaient leur fête d'associateur, même après un long moment, même si ces gens ne sont plus, tu ne dois pas venir dans cet endroit pour égorger pour Allah subhanahu wa ta'ala. Limadha hurrima dhalik. Pourquoi est-ce que cela a été interdit? Alors que la personne dit Bismillah, alors que la personne égorge pour Allah, alors que la personne veut par cela se rapprocher d'Allah. Malgré ça, l'islam interdit d'égorger dans un endroit où on a égorgé pour autre qu'Allah Azza wa Jal, où on égorge pour autre qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Il y a plusieurs raisons. Premièrement, لِأَنَّ هَذَا مِنْ وَسَائِلِ الشِّرْكِ. Premièrement, لأن هذا من وسائل الشرك والبدع. Car d'égorger pour Allah subhanahu wa ta'ala dans un endroit qui a été pris pour égorger pour autre que lui peut emmener les gens à tomber dans le shirk. Peut emmener les gens à tomber dans le shirk à court ou à long terme. قد يوسوس له الشيطان. Le shaytan peut venir avec toutes sortes d'insufflations et lui faire croire que celui qui adore en dehors d'Allah Azza wa Jal dans cet endroit mérite l'adoration. Donc il peut troubler cette personne et faire pencher son intention. Aussi, avec une autre manière de waswas, qui est de faire croire à la personne qui vient et qui prend l'habitude de venir dans cet endroit, que dans cet endroit il y a une fadila et une baraka. Il peut avoir comme croyance qu'il y a une bénédiction. On a étudié le chapitre sur At-Tabarruk. Donc cette personne peut penser que c'est mieux d'égorger dans cet endroit et penser qu'il y a une baraka particulière, une bénédiction particulière dans cet endroit. Deuxièmement, fihi ta'zim li sha'air al-kufr. En faisant ça, c'est comme s'il immensifiait ou bien il poussait à immensifier les emblèmes du kufr, de la mécréance et du shirk. C'est comme s'il élevait cette idole ou cette chose qui adore en dehors d'Allah Azza wa Jal. Troisièmement, fihi talbisun ala al-juhal wa idlal kadhalik. En faisant ça, les ignorants pourront être égarés par sa cause, soit de manière volontaire, soit de manière involontaire. Particulièrement si c'est une personne qui est reconnue dans sa société, ou quelqu'un de science, ou quelqu'un de respecté, ou un dirigeant. Car lorsque les gens vont le voir aller dans cet endroit, ils vont se dire, s'il est parti dans cet endroit, c'est qu'il y a un bien. S'il est parti dans cet endroit, c'est qu'il y a une baraka. S'il est parti dans cet wahak. Donc ils vont le prendre pour exemple. Lui n'a pas fait cela pour autre qu'Allah Azza wa Jal. Mais peut-être que ces derniers vont se rendre dans cet endroit et vont faire la même chose que les associateurs. Donc c'est khatir. Il y a un grand danger dans cela. Pourquoi ? Car suratul fi'l ou le fi'lain wahida. Parce qu'en apparence, c'est exactement la même action. Il y en a un qui vient, qui dit Bismillah, il égorge pour Allah, et le deuxième, il égorge pour un autre qu'Allah Azza wa Jal. Mais la différence, elle est où ? Dans l'action ou bien dans l'intention ? Hein ? C'est apparent ou bien c'est intérieur ? C'est intérieur, c'est dans l'intention. Donc on ne peut pas distinguer. On ne peut pas distinguer entre les deux actions. Si ce n'est parce qu'il y a à l'intérieur, et seul Allah Azza wa Jal fait cela. Quatrièmement, fihi taqwiyatun lil mushrikin. Quatrièmement, en faisant cela, la personne va renforcer les associateurs en augmentant leur nombre. Par exemple, au lieu qu'il y ait une vingtaine de personnes dans cet endroit, si on ajoute ceux qui vont venir égorger pour Allah Azza wa Jal, par exemple, il y aura une cinquantaine de personnes. Et les gens sont troublés par le nombre. Les gens se font beaucoup avoir par le nom et jugent par le nom, pas par les textes. Wallahu musta'an. Cinquièmement, هذا يدعو إلى إساءة الظن به قد يظن فيه الشرك أو الإشراك. Cinquièmement, les gens, ou bien cela peut appeler à ce qu'on le soupçonne de faire du shirk. Des gens peuvent penser qu'il fait du shirk en le voyant aller dans cet endroit et égorger. Ils peuvent se dire qu'il fait la même chose que les autres. Donc ils vont penser du mal de lui. Car comme je l'ai dit, l'apparence est la même et la différence n'est que dans le cœur. Sixièmement, fihi tashabbuhun bil mushriki. Sixièmement, il a une ressemblance avec les associateurs. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit man tashabbaha biqawmin fahuwa minhum. Celui qui ressemble à un peuple en fait partie. Ma yustafad min al-hadith, quant à ce que nous pouvons tirer du hadith, jawaz al-nadhr, la permission de faire un vœu. Man'u wafa'i an-nadhr idha kana fi makan yu'badu fi ghayr Allah. On tire de ce hadith l'interdiction de mettre en pratique le vœu prononcé si il doit être accompli, s'il devait être accompli dans un endroit où on adore un autre qu'Allah Azza wa Jalla. L'interdiction également de faire cela si c'est un endroit où il y a des fêtes polythéistes, où il y a eu des fêtes des gens du polythéisme. قال المؤلف في المسائل الاستفصال أو استفصال المفتي إذا احتاج إلى ذلك. L'auteur, رحمه الله تعالى, dit dans les fawaïd, dans les masaïd, on tire de ce hadith que le mufti, celui qui va répondre et donner un avis juridique, peut, s'il en a besoin, avant de répondre, questionner celui qui lui a posé les questions. Il peut poser des questions à celui qui lui a posé des questions et détailler avant de lui répondre. وقال أن تخصيص يعني على الحكاية أن تخصيص البقعة بالنذر لا بأس به إذا خلا من الموانع. L'auteur a dit, on tire de ce hadith également que tu as le droit de spécifier un endroit lorsque tu fais un vœu. Lorsque tu fais le vœu de faire une adoration, tu as le droit de préciser, de déterminer un endroit précis. Si il n'y a rien comme mal qui découlerait de cela. Par exemple, la personne dit « Lillahi alayhi أن أصلي ركعتين في هذا المكان الفلاني. Par exemple, quelqu'un dit, Allah a sur moi le fait que je vais faire deux raka'a dans tel endroit. Hein? L'auteur dit c'est permis. Sauf si il peut y avoir un mal. Quel mal, par exemple? Si c'est un endroit, d'accord, ou si, par exemple, quelqu'un de reconnu, quelqu'un de science, l'imam de Madha, la personnalité religieuse de tel endroit, à force d'aller dans cet endroit faire deux raka'a, peut-être qu'on va penser qu'il y a une baraka dans cet endroit. Alors les gens vont préférer aller dans cet endroit et faire deux raka'a, en ayant comme croyance qu'il y a une baraka dans cet endroit. Dans ce cas-là, il ne fait pas cela. Ça, c'est un exemple. Donc s'il ouvre une porte de mal pour les awa, pour les gens de la masse, il ne fera pas cela. On tire de ce hadith, ترك مشابهة المشركين في أعيادهم وإن كان لا يقصد ذلك والحذر من ذلك. L'interdiction de ressembler aux associateurs dans leurs fêtes, même si lui en faisant des choses, son intention n'est pas de faire comme. Combien sont ceux, lorsque tu leur dis il ne faut pas faire ceci ou cela, ils te disent oui mais moi mania c'est pas ça, oui mais moi mania c'est pas ça. Non, même si ton intention n'est pas cela, tu ne dois pas faire ainsi. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب من الشرك النذر لغير الله. باب من الشرك النذر لغير الله. Chapitre numéro 11 fait partie du polythéisme, le fait de faire un vœu pour autre qu'Allah. Fait partie du polythéisme, le fait de faire un vœu pour autre qu'Allah. Souvent cette question a été posée depuis le début de Kitab al-Tawhid. Inch'Allah, la réponse dans ce chapitre. Bab mina shirk al shirk al akbar. Parce que l'auteur dit ça fait partie du polythéisme, c'est-à-dire l'association majeure. Al shirk al akbar. Car, comme on va le voir, al-nadhr c'est une ibada. Et donner une ibada à notre Allah Azza wa Jal, c'est du shirk akbar. Munasabatul bab li kitab al tawhid. عقد المؤلف رحمه الله تعالى هذا الباب لأنه نوع من أنواع الشرك الذي يضاد التوحيد يحذر منه المسلم وينتبه ويجتنبه. L'auteur رحمه الله تعالى a mis ce chapitre dans son livre Kitab al-Tawhid, car le fait de donner un vœu ou de faire un vœu pour autre qu'Allah Azza wa Jal entre dans le polythéisme qui contredit et annule le tawhid. Il a donc mis ce chapitre afin qu'on s'en éloigne. النذر لغة نذر ينذر هو الوعد بخير أو بشر والإيجاب. النذر c'est le fait de promettre de faire une chose, que ce soit un bien ou que ce soit un mal. D'autres ont dit fait de s'obliger à faire une chose. وشرعا إيجاب المكلف نفسه بقربة بعبادة لم تكن واجبة عليه شرعا. النذر c'est le fait que la personne responsable, c'est le fait que la personne responsable, j'ai entendu dans ta main, c'est le fait que la personne responsable s'impose une adoration qui ne l'était pas à la base dans la religion d'Allah Azza wa Jal. C'est-à-dire que le jugement de l'action qu'il s'oblige à faire n'était pas al-wujub. Donc un nadr, un vœu, c'est le fait de t'obliger une chose. Tu vas te la rendre obligatoire. Cette chose, c'est une chose qui va te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui fait ça est responsable. Donc si la personne est majnouna, ça ne sera pas un nadr. Il faut qu'il soit responsable. nafsah. Il rend cela obligatoire sur qui? Sur lui-même. Donc s'il le rend obligatoire sur quelqu'un d'autre, ce n'est pas un nadr. Lam takun wajibatan alayhi shar'an. Ceci n'était pas obligatoire pour lui dans la religion d'Allah à la base. Donc est-ce qu'il peut dire, je fais le vœu de prier les cinq prières, je fais le vœu de jeûner Ramadan? Ça c'est obligé à la base. C'est obligé à la base. Par exemple, la personne dit, et j'ai oublié, un nadr, c'est avec une parole qui nous fait comprendre cela. Par exemple, lillahi alay, ou alzamu nafsi bi kada, lillah. Donc ça, il y a une formulation. Un nadr, c'est une ibada qawliya. Incha'u nadr, c'est une ibada en parlant. Donc la personne peut dire par exemple, je m'oblige à jeûner le lundi et le jeudi. Ça, c'est un adr, par exemple. Et combien sont ceux qui viennent et disent, j'ai fait ce vœu et je ne peux plus le faire. Qu'est-ce que je dois faire? Les savants du fiqh, les jurisconsultes, ont longuement traité cette question. Et ont divisé les formes de nadr et ses différentes catégories. Pour écourter, celui qui en a la capacité, il reviendra au livre de fiqh. Aqsam al-nadr toujad fi kutub al-fiqh. Mais nous, on va retenir deux points de cela. Al-mutlaq والمقيد المطلق النذر المطلق والمقيد. Donc النذر المطلق, le sens de mutlaq ici, celui qui vient en face de muqayyad. Donc c'est le fait que tu t'obliges une adoration mais sans contrepartie. Mais sans contrepartie. Tu dis par exemple, ya Allah, je fais le vœu pour toi de jeûner le jeudi. Ça, c'est un adr mutlaq. Un adr muqayyad ay mu'allaq. Tu fais un vœu, mais tu rattaches sa mise en pratique à l'obtention d'une chose que tu recherches. Tu rattaches la mise en pratique de ce vœu formulé à l'obtention d'une chose que tu recherches. Par exemple, ya Allah, si tu m'accordes la réussite dans mon examen, je jeûnerai pour toi le jeudi. Parce que vous voyez la différence entre le premier cas et le deuxième cas. Dans le premier cas, il ne met pas de condition. Dans le deuxième cas, il met comme condition pour mettre en pratique le vœu formulé l'obtention d'une chose. L'obtention d'une chose. Donc le premier, on va l'appeler al-nadr al-mutlaq. Et le deuxième, al-muqayyad. C'est-à-dire al-mu'allaq. Donc, le premier, le vœu absolu. Le deuxième, conditionné. Le deuxième, conditionné. Dans le vœu, on étudie deux choses. Al-insha wal-wafa. Dans le vœu, on se penche sur deux choses. Al-insha, c'est-à-dire la formulation, al-ibtida, le fait que tu t'imposes cette chose, tu prononces une parole, et deuxièmement la réalisation du vœu, la réalisation du vœu, son accomplissement. Ma hukm ibtida an-nadr, quel est le jugement de cette action, le fait de dire tu t'imposes telle adoration? Ikhtalafa ahlul ilm fi hadha. هل هو مشروع هل هو مكروه ensuite pour le muqayyad est-ce que c'est muharram est-ce que c'est makruh est-ce que c'est ma'zun فيه شرعا les savants divergent قال بعض العلماء هو مكروه لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يرد من القدر وإنما يستخرج به من البخيل. Certains savants ont dit que c'est détestable de formuler un vœu, donc de s'imposer une adoration qui ne l'était pas à la base. Certains savants ont dit que c'était détestable. C'est-à-dire que c'est mieux de délaisser cela. Mais si tu le fais, tu ne prendras pas de péché. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, dans le hadith d'Abi Hurayra inda Muslim, le fait de faire un vœu ne change pas le destin, ne repousse pas le destin. Mais il provient plutôt de l'avare. Il provient plutôt de l'avare. قال آخرون بل المكروه منه إنما هو المقيد لا المطلق. D'autres parmi les savants ont dit النذر المطلق, donc le vœu formulé de manière absolue, n'est pas détestable. Celui qui est détestable, c'est le vœu conditionné. C'est celui dans lequel tu dis à Allah, si tu me donnes cela, je ferai ça. Ils ont dit c'est celui-ci. Certains savants ont dit c'est celui-ci qui est détestable. كما قال ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى لأن في هذا نوعا من سوء الظن بالله سبحانه وتعالى. Pourquoi? Car celui qui ne fait le vœu qu'à condition qu'on lui donne la chose, c'est comme s'il avait mauvaise opinion d'Allah Azza wa Jal. Et c'est comme si Allah Tabaraka wa Ta'ala n'allait pas lui donner la chose sans ce vœu. Et ainsi on comprend mieux la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ceci provient que de l'avare. L'avare, c'est celui qui ne donne pas tant que tu ne lui donnes pas quelque chose. Vous avez compris? L'avare, c'est celui qui ne donne pas tant que tu ne lui donnes pas quelque chose. Donc certains savants ont dit que ces ahadith concernent que le vœu conditionné et non pas le vœu absolu. Ils ont dit également hadha lam yaqsud at-ta'at al-khalis. Aussi pourquoi ils ont dit que celui-ci était détestable, car il n'a pas visé l'adoration en tant que telle. Il n'a pas visé que l'adoration en tant que telle. Wal jumhur ala annahu makruh. La plupart des savants disent et on dit que le vœu conditionné est détestable. وَذَهَبَ بَعْضُهُمْ كَا Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala ila tahrim. Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala et d'autres parmi les savants ont dit que c'était muharram, que c'était interdit de faire un vœu conditionné. Cheikh Salah Sindi hafidahullahu ta'ala, de qui je prends la plupart du sharh, a dit que c'est ce qui est apparent. Il a dit que c'est ce qui est apparent. Que même an-nadhr al-mutlaq est makruh. Et que même an-nadhr al-mutlaq est makruh. Même le vœu absolu et détestable. Il ne convient pas de s'imposer une adoration qui ne l'était pas à la base dans la religion. Pourquoi? لِأَنَّهُ إِلْزَامٌ عَلَى نَفْسِكَ مَا لَمْ يَلْزَمْكَ الشَّرْعَ. Pourquoi? Parce que tu t'imposes une chose que la religion ne t'a pas imposée. Tu t'imposes une chose que la religion ne t'a pas imposée. وَفَفِيهِ تَضِيقٌ عَلَى النَّاسِ. Donc, tu t'alourdis la tâche. Et peut-être que tu ne vas pas pouvoir mettre en pratique ce que tu as promis de faire. Ainsi, la personne prendra des péchés. Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, et ceux qui ont vu son avis, ont dit que les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam montrent que c'est interdit. Il y a des hadiths où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cité l'interdiction. Par exemple, la tanzuru ou la tanziru fa inna nadhra la yughni min al-qadari shay'an wa inna ma yustakhraju min al-bakhil. Hadith Abi Huraira inda Muslim. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: ne faites pas de vœux. Ne faites pas de vœux. Walla huna nahiya. Le prophète sallam a interdit de faire des vœux. Et la base, c'est que ça nous indique l'interdiction. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que cela ne vient pas à l'encontre du destin et ça ne provient que de l'avare. Quoi qu'il en soit, il y a une divergence. Il ne convient donc pas de s'imposer une chose à soi-même. Celui qui veut, yani celui qui a du nachat, une augmentation de la foi, qu'il fasse l'adoration sans émettre le vœu. Qu'il fasse l'adoration sans émettre le vœu. Et que Shaytan ne se mette pas entre lui et son adoration. Et ne te dis pas, oui, mais si je ne fais pas le vœu, je ne vais pas faire l'adoration. Non, tu adores Allah Azza wa Jal parce que tu es là pour ça. Tu adores Allah tabaraka wa ta'ala parce que tu es là pour ça. Et la foi, elle augmente et elle diminue. Et lorsque tu as cette montée de foi, lorsqu'Allah Azza wa Jal te facilite, fais les efforts pour faire cette adoration. Par contre, celui qui fait le vœu a l'obligation de l'accomplir, de s'en acquitter. Celui qui fait le vœu, après avoir prononcé cela, il se voit dans l'obligation d'accomplir ce qu'il a dit, sauf dans certaines situations qui nous ont été citées, yani, ou bien qui vont venir. Et c'est un chapitre étonnant. Al-Nadr, c'est un bab gharib fi abwab al-fiqh. C'est un chapitre très étonnant dans les chapitres du fiqh. Pourquoi ? Comment est-ce qu'une chose qui est une adoration peut être interdite à la base et ensuite de la mettre en pratique obligatoire ? Vous avez compris ? Comment une chose peut être interdite à la base et ensuite ça devient obligatoire ? Ou bien détestable à la base et ensuite ça devient obligatoire ? C'est pour ça que l'imam al-Khattabi, rahimahullah ta'ala, a dit « Al-Nadru babun gharib fi sharia » يعني لا مثيل له. الخطابي رحمه الله تعالى دي النذر le chapitre du vœu dans la législation, c'est un chapitre qui n'a pas de semblable. C'est un chapitre très étonnant qui n'a pas de semblable. Il a dit cela dans le sharh de Sahih al-Bukhari. Cheikh Saleh al-Shir dans son sharh a dit que le nadr qui est détestable, c'est le nadr al-mu'allaq. C'est le vœu conditionné. Ainsi, on comprend mieux pourquoi il peut y avoir dans la même action un début qui est détestable et une finalité qui est obligatoire. Car un nadr al-mutlaq, il n'y a pas ce caractère détestable. Un nadr ibadah. النذر لفو est une adoration. قال الله سبحانه وتعالى وليوفوا نذورهم qu'ils remplissent leur vœu. C'est un ordre. Donc de remplir le vœu que tu as fait est une adoration. Alors nous avons étudié dans l'usul al-thalatha que lorsqu'Allah Azza wa Jal ordonne une chose, c'est qu'il aime et l'agrée. Lorsqu'Allah ordonne une chose dans la religion, c'est qu'il l'aime et l'agrée, c'est donc une adoration. Aussi Allah subhanahu wa ta'ala a fait les éloges de ses serviteurs pieux du fait qu'ils remplissent leurs vœux. C'est donc une chose qu'il aime, c'est une adoration. Aussi, yasduru an-nadr min sahibi qalbin ya'taqidu anna Allah subhanahu wa ta'ala fa'al lima yurid karim. Il a réalisé ذلك من الصفات الحميدة. Celui qui fait un vœu n'a pas fait ce vœu si ce n'est parce qu'il a comme conviction qu'Allah Azza wa Jalla est omnipotent, parfaitement capable, généreux, et qu'il est capable de lui donner tout ce qu'il souhaite. طيب. قال الله سبحانه وتعالى وما انفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلم وما للظالمين من أنصار. Aussi Allah Azza wa Jal a cité al-nadr, le vœu, à côté de sadaqat. À côté de sadaqat. Al-infaq, fi sabilillah, fait partie des meilleures adorations. Tout ceci pour dire que al-nadr est une adoration. Et un point que nous n'avons pas souvent vu. Allah subhanahu wa ta'ala nadr ala ilmi. Allah a rattaché le vœu à sa science. Allah Azza wa Jalla a rattaché le vœu à sa science. Ceci est donc une adoration. ووجه ذلك أن هذا يستلزم الجزاء. Pourquoi c'est une adoration? Car Allah nous cite qu'il sait cela pour nous dire qu'il va nous rétribuer, pour nous faire comprendre qu'il va nous rétribuer. C'est pour ça qu'on a rattaché cette action à sa science. فمن صرف النذر لغير الله سبحانه وتعالى فهو مشرك. Donc celui qui donne cette adoration, un nadr, le vœu, à un autre qu'Allah Azza wa Jal, ou a commis un acte de polythéisme. Que ce soit nadr al-mutlaq ou bien al-muqayyad. Et la plupart de ceux qui font ça sont min ubad al-qubur. Ce sont les adorateurs des tombes qui font beaucoup cela. Ils viennent et prononcent des vœux pour la personne qui est morte ou pour le wali. Elle dit: j'ai quelqu'un de malade dans ma famille, tu guéris mon malade. J'ai mon enfant qui veut se marier, j'ai tel problème, si tu me donnes ça, j'égorgerai pour toi, je ferai telle chose pour toi. Ça vient beaucoup de ceux qui adorent les tombes. Wal'iyadu billah. Wa qawlullah ta'ala yufuna bin nadr al-aya. L'auteur a cité un verset, un hadith. Le premier verset, parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, donc selon la traduction, ils accomplissent leurs vœux. هذه الآية في سياق مدح الأبرار. Allah subhanahu wa ta'ala a cité cela dans un contexte où il fait l'éloge de ses serviteurs pieux. مناسبة الآية للباء مدح الله سبحانه وتعالى من يوافي بنذر وهذا دليل على أن هذا العمل محبوب لله سبحانه وتعالى ومشروع فهو عبادة. إذن من صرف النذر لغير الله سبحانه وتعالى وقع في الشرك الأكبر. الله سبحانه وتعالى dans ce verset fait l'éloge de ceux qui remplissent leurs vœux. Ça montre qu'il aime cette action. C'est donc une adoration. C'est donc une chose permise et c'est une adoration. À partir de là, nous disons, en accord avec ce qu'a dit l'auteur dans le titre, celui qui voue un vœu à autre qu'Allah Azza wa Jal aura commis un acte de polythéisme. Bien sûr, de polythéisme majeur. Aussi, on voit dans le contexte qu'on en a fait une cause pour entrer au paradis. On est en train de vanter les mérites des gens pieux et que ce qu'ils font est la cause qui va les faire entrer au paradis. Et ce qui te fait entrer au paradis, ce bien-là, est une adoration. نستفيد من هذه الآية أن النذر عبادة والحث على وفاء النذور. On tire de ce verset que le vœu est une adoration et l'encouragement à remplir les vœux prononcés. J'ai dit que l'auteur a cité un verset et un hadith, il a cité deux versets et un hadith. وقوله وما انفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلم. Le second verset, et quelles que soient les dépenses que vous faites ou le vœu que vous avez voué, Allah le sait. وما هنا شرطية أنفقتم فعل شرط وجوابه فإن الله يعلم. مناسبة الآية للباب وجه الدلالة من ثلاثة أوجه. Donc l'auteur a cité ce verset car il nous démontre que le vœu est une adoration. Et ceci de trois points de vue. Et ceci de trois points de vue. Premièrement, قارن الله سبحانه وتعالى النذر بالإنفاق الذي هو من أفضل القربات والعبادة. Premièrement, Allah سبحانه وتعالى a cité à côté du fait de dépenser pour Allah Azza wa Jal le vœu. Et on sait tous que de dépenser pour la cause d'Allah Azza wa Jal fait partie des meilleurs moyens de se rapprocher de lui, des meilleures adorations. Deuxièmement, تعليق النذر بعلم الله سبحانه وتعالى. Le fait d'avoir attaché le vœu à la science d'Allah tabaraka wa ta'ala. قال الله فإن الله يعلمه أي يجازيكم به. إذن donc Allah Azza wa Jalla a dit Allah le sait. Donc tu ne vas pas dépenser une chose ni faire un vœu sans qu'Allah le sache, sans qu'Allah ne le sache. On a rattaché ceci à sa science pour te faire comprendre, c'est-à-dire qu'il va donc te rétribuer pour cela. Il va donc te rétribuer pour cela. قال العلماء تعليق الشيء بعلم الله دليل على أنه محل جزاء وترتب الجزاء عليه يدل على أنه عبادة. قال العلماء رحمهم الله وحافظهم وأخزى من طعن فيهم تعليق الشيء بعلم الله دليل على أنه محل جزاء. Les savants ont dit, le fait de rattacher une chose à la science d'Allah est une preuve qui montre que dans cette chose la personne sera rétribuée. Et le fait que la personne sera rétribuée pour cette action, ou récompensée pour cette action, montre que c'est une adoration. Montre que c'est une adoration. Troisièmement, هُنَا عَظَّمَ اللَّهَ النَّذْرَ وَأَهْلَهُ. Ici on voit qu'Allah Azza wa Jal a élevé le vœu et ceux qui les font. إِذَنْ صرف النذر لغير الله شرك أكبر. Donc de donner, de vouer un vœu à autre qu'Allah Azza wa Jalla est un polythéisme majeur. نستفيد من هذه الآية أن الإنفاق والنذر عبادة. On tire de ce verset que de dépenser pour Allah et ماذا le vœu sont deux adorations. وَصَرْفُ النَّذْرِ لِغَيْرِ اللَّهِ شِرْكٍ. Et le fait de donner le vœu pour un autre qu'Allah est du polythéisme. إِثْبَاتُ عِلْمِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى. On tire de ce verset que parmi les attributs d'Allah Azza wa Jal, il y a la science. Allah connaît toutes choses. فِي الصَّحِيحِ وَفِي الصَّحِيحِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا. L'auteur nous dit وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. عائشة رضي الله عنها rapporte que le prophète صلى الله عليه وسلم a dit quiconque fait le vœu d'obéir à Allah qu'il lui obéisse et quiconque fait le vœu de lui désobéir qu'il ne le fasse pas, qu'il ne lui désobéisse pas. عائشة رضي الله عنها كما تعلمون جميعا هي أم المؤمنين بنت أبي بكر الصديقة بنت الصديق. عائشة هي la mère des croyantes, l'épouse préférée du prophète صلى الله عليه وسلم, la fille de Abu Bakr, le premier calife de l'islam, et c'est la femme la plus savante du monde. C'est la femme la plus savante du monde radiallahu anha. Elle est morte en l'an 57 après l'Hégire bien sûr. Elle nous dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit celui qui fait le vœu d'obéir à Allah qu'il lui obéisse. أي فليفعل ما نذر من طاعة. C'est-à-dire qu'il remplisse le vœu qu'il a prononcé. وَمَنْ نَذَرَ يَعْصِيَ اللَّهِ فَلَا يَعْصِيَ. Mais celui qui a fait le vœu de désobéir à Allah Azza wa Jal, qu'il ne le fasse pas. اللَّهُنَا نَاهِيَ. Ici, le « là », c'est le « là » de l'interdiction. C'est l'ordre de l'adhan. Quelques secondes, c'est un khair azim. الطَّاعَ فِعْلُ الْأَمْرُ وَاجْتِنَابُ النَّهِي. الطَّاعَ, la définition de l'obéissance, c'est de faire ce qu'on t'a ordonné et de t'éloigner de ce qu'on t'a interdit. Alhamdulillah wa ba'd. Donc, الطَّاعَ فِعْلُ الْأَمْرُ وَاجْتِنَابُ النَّهِي. L'obéissance, c'est le fait de mettre en pratique ce qu'on t'a ordonné et de t'éloigner de ce qu'on t'a interdit. وإذا قرن بالمعصية إذا قرنت بالمعصية فعل الأمر فقط. مناسبة الحديث الباب فيه إثبات أن النذر طاعة إذن يجب أن يكون لله سبحانه وتعالى ومن صرفه لغير الله فقد أشرك. وترست ce hadith ou ce chapitre car on y affirme que le vœu النذر est une adoration, est une obéissance. Et vu que c'est une obéissance, c'est une chose qu'Allah Azza wa Jalla aime agréer, c'est donc une adoration. Celui qui donc donne cette adoration à Allah Azza wa Jalla aura commis un acte de polythéisme. Aidan, fal yuti'ahu. Huna. يدل هذا يدل على أن النذر مأمور به ماذا الطاعة يعني امتثال ما قيل في النذر ملزم يعني الوفاء نعم وفاء النذر واجب فهو إذن عبادة يعني فليطيعه هذا أمر فوفاء النذر واجب فإذا كان وفاء النذر واجبا فهو عبادة أمر به فصرف لغير الله شرك إذن من هذين الوجهين يتضح ما يستفاد من الحديث طيب avant cela donc je traduis ici on nous dit celui qui fait le vœu d'obéir à Allah, qu'il lui obéisse. Qu'il lui obéisse. Ici, on nous ordonne de remplir le vœu. Si on nous ordonne cela, c'est que c'est une chose aimée chez Allah Azza wa Jal, c'est donc une adoration. Ce qu'on tire de ce hadith, un nazru ibada, fasarfu li ghayri Allah shirk. Le vœu est une adoration. Celui qui fait cela, donc pour un autre qu'Allah Azza wa Jal, pourra commettre un acte de polythéisme majeur. Wujub al-wafa ibn nadr fi ta'at. L'obligation de remplir son vœu si cela ne comprend pas de désobéissance à Allah Azza wa Jal. Tahrim al-wafa ibn nadr al-ma'asiyah. L'interdiction de remplir le vœu si il y a une désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Par exemple, quelqu'un, wa hadha bi jama' al-ulama. Par exemple, quelqu'un qui dirait, je fais le vœu, si je réussis mon examen, je fais le vœu de boire de l'alcool. S'il a réussi son examen, est-ce qu'il a le droit de boire de l'alcool? Non. D'accord? C'est interdit de mettre en pratique, de remplir ce vœu. قال ابن حجر رحمه الله تعالى اتفقوا على تحريم نذر في المعصية. Ibn Hajar nous cite qu'il y a le consensus des savants quant à l'interdiction de l'accomplissement du vœu dans la désobéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. On finit sur un point. Ma le farq bayna an-nadhr al-ma'siyah wa an-nadhr ash-shirki. Quelle est la différence entre le vœu où il y a une interdiction et le vœu qui entre dans le polythéisme? An-nadhr ash-shirki asluhu li ghayrillah. Le vœu qui entre dans le polythéisme, il est fait pour un autre qu'Allah azza wa jalla. Sa base est pour un autre qu'Allah tabaraka wa ta'ala. Amma nadhru al-ma'asiyah. Par contre, le vœu où il y a une interdiction, un péché, aslu lillah, il fait le vœu pour Allah. Il fait le vœu pour Allah. Et lorsqu'il veut le remplir, il veut le remplir pour Allah. Pas pour un autre qu'Allah Azza wa Jal. Wa wasfuhu mukhalaf. Si ce n'est que la chose qu'il veut faire est interdite par l'islam. Comme le fait de boire de l'alcool ou de voler ou autre. أيضا اختلف العلماء هل في نذر المعصية كفارة؟ aussi les savants divergent. ماذا dans النذر المعصية؟ est-ce que la personne a une expiation؟ هذا هو. صلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. La page 47, il y a une faute. La page 47, il y a une faute. وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عن sur le ha il y a une dhamma. Sur le ha il y a une dhamma. Il faut la supprimer. بارك الله فيكم.